Alors voici le plan de mon intervention que je vous laisse découvrir. Donc ça se déroulera en quatre parties, quatre moments. Hein, apparemment tout allait bien. Il y avait un accord possible entre Frédéric II de Prusse et Johann Peter Zusmilch. Et puis en fait, Zusmilch était théologien, pasteur, protestant, luthérien. Et peut-être que ça a été un des premiers ferments du soupçon, comme je dis, que Frédéric a entretenu à son égard. Et je terminerai par un exemple tout à fait patent, tout à fait concret, de l'échec de cette ambition de Zusmilch. Voilà, donc Zusmilch, apparemment des choses favorables, Zusmilch arrive au bon moment, hein, puisqu'il est né en 1707, il a que 5 ans de plus que Frédéric de Prusse, et en fait le début de la carrière de Zusmilch, qui correspond en gros à son entrée à l'Académie des sciences de Berlin, revue par Frédéric II, et à la publication de son ouvrage L'Ordre divin en 1741, cette entrée coïncide avec l'accession au trône de cette entrée en carrière, coïncide avec l'accession au trône de Frédéric II. Et Zusmilch comprend ça très vite parce que il dit que son petit livre, L'Ordre divin, peut très bien accompagner le règne du roi. Et alors en plus, il a l'intelligence ou l'habileté, comme vous voudrez, de faire préfacer son livre par Christian Wolff, le grand philosophe allemand de l'époque, hein, post-Leibnizien mais pré-kantien. Et Christian Wolff est très en odeur de sainteté, du moins auprès de Frédéric, c'est-à-dire auprès du prince de Prusse. On connaît bien son intérêt pour Wolff dans la correspondance avec Voltaire, par exemple, de Frédéric, et aussi le fait qu'il a commandité des traductions de Wolff en français, par un de ses amis, un diplomate qui s'appelait von Zoom, et notamment la Deutsche Metaphysik, la métaphysique allemande de Christian Wolff, une traduction française avait été commanditée par Frédéric. Alors Zusmilch commence évidemment avec des louanges un petit peu convenues. Frédéric II est un protecteur de la vérité, des sciences. Zusmilch insiste donc sur l'utilité de l'ouvrage qu'il dédie et qu'il publie, 1741, donc L'Ordre divin. Voici ce qu'il écrit, par exemple, dans la préface. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que son intérêt est un petit peu aussi, évidemment, nationaliste, mais et que, bien sûr, on voit tout de suite le genre de politique de population que Zusmilch va défendre, c'est-à-dire une politique populationniste, voire nataliste. Alors, quels sont les atouts de Zusmilch? Premièrement, il se voudrait le représentant et l'organisateur d'une politique démographique. Voilà ce qu'il dit. Je vous montre une citation qui peut être intéressante. Je m'enhardis à prier très humblement votre royale majesté d'accorder sa très gracieuse protection à ces conjectures probables, wahrscheinliche Mutmaßungen, les conjectures probables étant une référence évidemment au fait que les questions de population ne peuvent pas être traitées avec la certitude des questions astronomiques. Mais en même temps, étant donné que pour Zusmilch, c'est la providence divine qui régit les lois de population, on peut obtenir un certain nombre de probabilités assez fortes, et ces probabilités sont évidemment ce qu'on appelle maintenant la statistique. Alors l'ordre divin donc comporte, je vous le disais, une préface du philosophe Christian Wolff, ce qui représente trois avantages pour la carrière de Zusmilch. Une caution, le fait que Wolff soit un rationaliste éclairé et que donc Frédéric prône cette philosophie, mettons si on peut appeler ça une philosophie, et qu'il y a une possibilité de concilier la raison et la foi, comme le voulait Leibniz, et comme le veut également Zusmilch. Et enfin, troisième avantage, le philosophe croit aux vérités probables dans les affaires humaines, donc c'est tout à fait évident. Voilà, alors, quelques points communs aussi sur la politique entre Frédéric et Et Susmilch, hein, voilà quelques déclarations de Frédéric dans l'Anti-Machiavel que je vous laisse découvrir, et en même temps cette idée que défend Frédéric du nécessitarisme propre à Wolff. Donc il y a un rapport entre le nécessitarisme à la Leibniz-Wolff et le côté providentialiste que défend Susmilch dans les lois de population, évidemment. Donc si l'on croit au nécessitarisme dans la politique, eh bien on peut éventuellement croire à l'éventuelle pseudo-nécessité des conjectures probables. Voilà. Alors la liberté politique s'articule pour Frédéric avec la thèse métaphysique du nécessitarisme. Voici un élément là-dessus. Mais alors beaucoup plus encore que cet accord politique, Susmilch a un très grand respect pour son souverain et pour les souverains en général. C'est un homme d'ordre. Et alors, au cours d'une controverse qu'il mène avec un personnage en 1747, peu importe d'ailleurs le nom de ce personnage, il s'appelle Edelman, mais c'est pas très grave. Susmilch va défendre la thèse très connue, hein, que les souverains sont les images vivantes de la divinité. Alors évidemment, si les souverains sont les images vivantes de la divinité, Frédéric II est lui-même une image vivante de la divinité et donc lui-même un porteur de providence. Voilà. Les souverains, c'est ce que Susmilch écrit là dans sa controverse avec Johann Christian Edelman, 1747 donc, les souverains portent en eux l'image de Dieu et cela leur enseigne comment ils doivent se conduire dans leur gouvernement. Ils doivent pratiquer la justice et la bonté, et ils doivent assurer le bonheur, la tranquillité, la sûreté, le bien-être de leur peuple. Un roi est semblable à Dieu relativement au pouvoir qu'il a de donner des lois. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce bonheur des peuples, selon Susmilch, et qu'il pense certainement que Frédéric II peut partager cette volonté, eh bien le bonheur des peuples pour Susmilch, qui comme je vous le disais est populationniste et nataliste, c'est de multiplier. Premier principe d'une politique de population, donc selon Susmilch, encourager le mariage. Hein, voici une citation qui vous montre en quoi. Et voici une citation de Frédéric, toujours dans l'Anti-Machiavel, qui peut évidemment montrer un certain accord, mais la thèse que défend Frédéric, tout comme la thèse que défend Susmilch, est une thèse très classique, hein. C'est la thèse qu'on trouve déjà exprimée dans Jean Bodin, par exemple, hein. Entre autres, il n'est de force que d'homme, hein, bon, etc. C'est très connu, hein, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est un facteur d'accord. Voilà, alors vous voyez que le chapitre 10 de la deuxième édition de l'Ordre divin de 1761, 20 ans après, ça s'appelle « Du peuplement d'un État comme étant le devoir nécessaire du souverain ». Bon, le souverain, et donc alors il reprend son ancienne éternelle, hein, « un père, un berger, un médecin, un dieu sur la terre ». Alors cependant, il n'y aurait pas accord parfait entre Susmilch et son souverain, parce que, bah, pour une raison que j'ai déjà dévoilée, c'est que Susmilch est théologien. Alors Susmilch est théologien, et en fait Frédéric II va favoriser sa carrière de théologien, et va favoriser une seule fois, au tout début, sa carrière scientifique, en le faisant élire à l'Académie de Berlin suite à la publication de l'Ordre divin, mais ensuite ce sera terminé. Susmilch va grimper les échelons, mais non pas les échelons des sciences, mais les échelons du consistoire luthérien de Berlin. Alors il va devenir pastor primarius à Saint-Pierre de Berlin, et c'est tout ce qu'il deviendra, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Alors il était aussi plus ou moins directeur, on va dire comme ça, du consistoire. Alors voilà une diatribe dans la deuxième lettre à Voltaire de Frédéric, il n'est pas encore Frédéric II à ce moment-là, cette lettre date du 9 septembre 1736, vous voyez une diatribe contre les théologiens, leur dessein est toujours de s'arroger une autorité despotique sur les consciences, bon. Leurs mains sont toujours armées du foudre de l'anathème, c'est terrible, hein, c'est écrit en français, hein. Bien sûr Frédéric ne parle que français et n'écrit que le français, cependant à les entendre, hein, ce sont des hypocrites, des tartuffes, cependant à les entendre ils prêchent l'humilité, vertu qu'ils n'ont jamais pratiquée, les ministres d'un dieu de paix le servent d'un cœur rempli de haine et d'ambition. Bon, c'est sévère, hein, mais c'est comme ça. Alors cependant, il y a deux exceptions du temps de Frédéric, mais ces exceptions malheureusement disparaîtront assez vite. La première exception, c'est Isaac de Beausobre, qui est mort en 1738. Si ma souris se réveille, je vais pouvoir vous dire voilà que quand l'autre est mort. Oui, Johann Gustav Reinbeck, voilà, en 1741. Hein, qui lui aussi donc est mort assez vite, malheureusement pour Susmilch, parce que c'était les deux théologiens que Frédéric appréciait, mais une fois devenu Frédéric II, selon lui, il n'y a plus de théologiens qu'il apprécie. Or bon, je ne vais pas rappeler quand même la circonstance qui fait qu'il est tellement, Frédéric est tellement remonté contre les théologiens, c'est en partie, bien sûr, à cause de son père, hein, bien sûr, et en partie aussi à cause de l'affaire Wolff en 1723, que je ne rappelle pas ici. Alors, Frédéric est donc convaincu que les prêtres n'ont que la théocratie en tête, et il estime que dans le domaine de la politique concrète, il est impossible d'atteindre l'objectif du théologien Susmilch, à savoir concilier foi et raison. Vous avez ici une citation de l'Anti-Machiavel, de Frédéric, qui vous indique que c'est important, évidemment, facteur de désaccord. Alors, voici aussi la conclusion que tirera Susmilch en 1761, dans le chapitre 10 de l'Ordre divin de 1761. On sent évidemment une certaine amertume dans cette conclusion, parce qu'à cette époque-là, Susmilch est bien conscient qu'il ne pourra pas faire carrière auprès du prince. Et que lorsqu'il dit « il faut qu'un souverain connaisse cette valeur des hommes, il faut qu'il sache priser ses sujets, il lui faut les aimer comme un père, ses enfants, et il lui faut veiller non seulement à leur conservation, mais encore à leur multiplication », vous voyez qu'il répète cette obsession un petit peu nataliste, mais bien entendu, ceci n'a pas été réalisé en Prusse, selon lui. Alors, on va passer tout de suite à un cas concret pour ne pas vous importuner d'autres choses. D'abord, pour cette, il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est que entre l'édition de 1741 de l'Ordre divin et l'édition de 1761, il y a énormément de changements. Non pas dans les thèses soutenues, mais dans le volume. Le livre de 1741 est c'est un petit livre, hein, de 300 pages in 12, alors que l'Ordre divin de 1761 est en deux volumes et d'une ampleur assez considérable. Alors Susmilch a donc accumulé des données, mais alors c'est très curieux parce que on sent qu'il a eu accès quand même à certaines données, mais surtout des données qui lui venaient de Pasteur, de ses collègues, et évidemment des données étrangères. Alors il a pu avoir accès à des données, mais le fait qu'on lui communiquait ces documents ne l'a pas autorisé à devenir le conseiller du prince. Alors l'affaire dont je veux vous parler, sur laquelle je conclurai d'ailleurs, s'est déroulée en 1749. À ce moment-là, Susmilch, qui est donc membre de l'Académie de Berlin, qui occupe un poste important dans la hiérarchie ecclésiastique luthérienne, Susmilch croit remarquer une nette diminution du nombre des familles en Prusse. Alors évidemment, ça ne correspond pas à sa politique. Et donc, il va tenter, ce qu'il n'avait pas tenté encore auparavant, il va écrire à Frédéric II, le 16 septembre 1749 pour lui signaler cette affaire. Alors bien sûr, le Susmilch écrit en français. Il se force à écrire en français, mais Susmilch est quelqu'un d'assez polyglotte. Hein. Il lit très bien l'anglais. On en a des témoignages parce que dans l'ordre divin, il traduit des extraits d'ouvrages anglais dans un excellent allemand. Il comprend le français et le lit à peu près. Et surtout, last but not least, il comprend le hollandais. Ça, c'est important pour les recherches démographiques. Bon. Alors, je vous ai modernisé le français, là, hein, parce qu'on ne va pas faire de l'érudition inutile. L'orthographe est évidemment épouvantable, mais il n'y a pas que lui. Hein, ils sont tous logés à la même enseigne, et en plus, lui, il est prussien. Donc, alors, je trouve que c'est déjà pas mal de se débrouiller comme ça. Sire, voici la lettre. Alors, ça, c'est pas la lettre de Susmilch, on la verra tout à l'heure. Hein, c'est la lettre de Maupertuis. Maupertuis qui était à l'époque président de l'Académie des sciences de Berlin. Alors c'est Maupertuis qui sert d'intermédiaire, il joue son rôle de président et voici ce qu'il écrit à Frédéric II pour lui présenter la lettre de Susmilch. Sire, voici la lettre d'un ministre de Berlin qui s'applique à des recherches sur les naissances, les morts et les mariages dans les états de votre majesté. Il a même lu sur cela, dans nos assemblées de l'Académie, quelques mémoires, mais qui n'ont été jugées ni assez académiques, ni devoir être publiées. Alors ça, c'est assez drôle. C'était assez vrai à l'époque. À ma connaissance, Susmilch avait publié à l'époque un ou deux mémoires, mais c'était surtout, je crois, sur l'histoire de la Prusse. Mais en fait, il y aura deux ou trois mémoires sur les questions de population qui seront publiées ensuite dans l'Académie de Berlin. Donc là, Maupertuis est, comme à son habitude, assez méchant. Il prétend que, depuis un certain temps, le nombre des familles dans les états de votre majesté diminue considérablement. Il croit avoir des remèdes à tout cela et voudrait surtout qu'on fît plus de mariages et qu'on donnât des terres aux époux. Je demande pardon à votre majesté si je l'importune. Mais je ne puis me dispenser de lui envoyer la lettre de M. Susmilch qu'il me recommande de lui remettre en main propre et sur laquelle il me demande de lui faire savoir l'accueil que votre majesté lui aura fait. Alors, si on faisait un petit peu de rhétorique, je crois qu'on pourrait déceler quand même, sans trop de parti pris de ma part, j'espère, un certain mépris dans cette lettre de Maupertuis et surtout beaucoup de flagornerie. Mais ça, bon, c'est assez logique. Alors, voici donc la lettre, enfin des extraits de la lettre de Monsieur Susmilch. Sire, c'est le début. Les réflexions que j'ai faites depuis 18 ans sur les changements de la vie humaine, ça c'est intéressant parce qu'on est en 1749, vous voyez, alors ça veut dire que Susmilch a commencé ses recherches en 1731, ce qui est remarquable, parce que ça veut dire qu'il a commencé très jeune, il est né en 1707, et il ne publie qu'en 1741 les résultats de ses recherches. Donc la préparation de l'ordre divin, c'est quand même 10 années, ce qui montre que ce n'est pas n'importe quoi. Les réflexions que j'ai faites depuis 18 ans sur les changements de la vie humaine m'ont obligé d'entrer dans le détail des plusieurs vérités auxquelles je n'aurais jamais pensé autrement. Les listes des morts, des baptisés et des mariés m'ont été des sources fécondes pour plusieurs observations importantes et politiques. Politiques, c'est ça l'important. Comme le président de Maupertuis m'a encouragé, il y a quelques ans, de composer une dissertation qu'il a présentée à votre majesté dont il m'a assuré qu'elle n'avait pas déplu entièrement, j'ose de nouveau de présenter par le même, quelques observations et de les soumettre très humblement au jugement éclairé de votre majesté, me persuadant qu'elles seront conformes aux intentions et aux vues que votre majesté a suivies jusqu'ici pour rendre les anciennes provinces plus cultivées et peuplées. Bon, ça ne peut pas être plus respectueux, mais ça ne peut pas aussi être plus clair. Le dessin de Susmilch est très clair. Alors le premier point concerne donc les obstacles au mariage. Susmilch écrit « Le pays est assez rempli des jeunes gens de deux sexes capables à se marier ». Là, je ne fais que moderniser son orthographe. Là, vous ne le lisez pas, ça, hein, je le lis. Dans... je ne modernise que son orthographe, mais je garde sa belle syntaxe, hein, sa syntaxe très agréable en français. « Le pays est assez rempli des jeunes gens de deux sexes capables à se marier, mais qui ne se marient pas, parce que les moyens à subsister et les établissements nécessaires pour l'entretien d'une famille leur manquent. Alors, voici évidemment un extrait un peu plus important, toujours de cette même lettre. J'ai souligné en bleu les passages que j'ai estimés importants. Le mot de spectateur et non acteur, bien sûr. J'ai attendu avec un désir impatient si on attraperait mon plan et si on entrerait dans mes vues. J'ai attendu avec un désir impatient, mais ce désir apparemment ne se réalise pas et il attend toujours. Comme mon emploi éloigné de ses affaires. Bon, et voilà le fait important, évidemment. Susmilch n'est pas proche de ses affaires. Des affaires, il n'est pas proche. Les affaires, c'est la politique, quoi. Bon, c'est la politique de Frédéric II. Voilà. Alors, il y avait évidemment une mise en parallèle des politiques et des curés de village qui n'a certainement pas flatté Frédéric II, mais la fin de la lettre en dit long aussi, que je vais vous montrer maintenant sur les rapports entre Susmilch et son entourage académique, hein, donc son entourage social. Il est véritablement le mystère aux yeux même de ceux qui le devraient voir si la crainte de l'orgueil, de la jalousie et de la haine n'était pas la cause que je ne peux prendre la résolution de la confier au papier seulement ou de la découvrir à qui que ce soit. Bon, évidemment, ce sont des affaires publiques, hein, les statistiques, mais enfin quand même, il y a là aussi un fort soupçon de Susmilch sur le milieu académique. Alors, le roi ne répond pas lui-même, hein, bien entendu, ça, il fait complètement la sourde oreille. Mais en fait, il fait répondre et assez vite. Alors bon, il traîne pas. La lettre de Susmilch date du 16 septembre 1749. La réponse de Potsdam date du 18 septembre de la même année, deux jours après. Alors c'est une double forme de cette réponse. Un mot adressé à Maupertuis qui est joint à une lettre rédigée au nom du roi par un conseiller privé de cabinet, un vrai, celui-là, un Geheimerat, Friedrich August von Eichel. Alors, voilà la lettre à Maupertuis, enfin le petit mot à Maupertuis. Je vous adresse 6 juin la réponse sur la très humble représentation du prévôt Susmilch, dans laquelle je le remercie à la vérité de la bonne intention qu'il a bien voulu me témoigner, quoique je lui fasse connaître aussi, voilà l'important, qu'il ferait mieux de renoncer à des entreprises qui demandent une connaissance bien exacte de toutes les circonstances d'un pays et dont les lumières qu'il s'est acquises ne sauraient suffire. Autrement dit, rentrez chez vous, hein. Occupez-vous de vos affaires et ne venez pas vous mêler des affaires de l'État, parce que ça, l'État, c'est moi. Hein, voilà. Bon, alors voilà la réponse plus détaillée de Frédéric II par l'intermédiaire de von Eichel. Je vous la laisse découvrir. Hein, voilà. Elle veut bien, Sa Majesté veut bien lui en témoigner bon gré à Susmilch, mais lui faire en même temps connaître que les choses qu'il allègue n'ont point été ignorées jusqu'à présent et que Sa Majesté savait même les remarques qu'il avait faites en partie bien fondées. Mais il ignorait peut-être qu'il est impossible de réformer blablabla blablabla. Autrement dit, les politiques savent tout, ils font tout, donc tenez-vous tranquille. Voilà, donc une statistique publique n'est pas encore près de naître en Prusse à cette époque. Merci.